Regret de Gabriel de Soub, enregistré pour LibriVox.org. Adieu, adieu, sans retour, doux rêve d'amour bercé par mon cœur. Ô toi que j'aimais, adieu pour jamais. Adieu, adieu, mon bonheur. J'avais le cœur à l'aise et je vivais d'espoir. Quand sous le grand mélèze, j'entrevis ton œil noir, ton regard plein de flamme vint troubler ma raison, et jeter dans mon âme un céleste frisson. Adieu, adieu, sans retour, doux rêve d'amour bercé par mon cœur. Ô toi que j'aimais, adieu pour jamais. Adieu, adieu, mon bonheur. Je t'aimais à outrance et tu l'as méconnu. Tu pars plus d'espérance que ne t'ai-je connu. Une autre à ta tendresse, ton amour, ton secret. Le désespoir m'oppresse, ah, je meurs d'un regret. Adieu, adieu, sans retour, doux rêve d'amour bercé par mon cœur. Ô toi que j'aimais, adieu pour jamais. Adieu, adieu, mon bonheur. Regagne ta montagne où tu crois ton bonheur. Va, que Dieu t'accompagne où t'appelle ton cœur. Mes songes qu'éplorais, je reste dans ces lieux. Près de ton adoré, pense à moi, sois heureux. Adieu, adieu, sans retour, doux rêve d'amour bercé par mon cœur. Ô toi que j'aimais, adieu pour jamais. Adieu, adieu, mon bonheur. Fin du poème. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en mars 2015. Cet enregistrement fait partie du domaine public.